Salut French learners, welcome to French Pod. I'm Erica. Bonjour les amis, je m'appelle Amaury. Elementary lesson. So, once upon a time, in the month of November, there were two turkeys. So one was French, and the other one was from America. And they met at the border of France. Let's find out what these two such turkeys would say to each other. Can you tell us one thing they're going to say to each other? La dinde. And that means turkey. The meat, the poultry. How do you say it? La dinde. Now, here's that dialogue three times. Dialogue, première écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Dialogue, deuxième écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Dialogue, troisième écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Let's first do the translation. Amaury, please refrain from any gobbling. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? But what are you doing? Are you going to France? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? But what are you doing? Are you going to France? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Yeah, I left America. Too dangerous in the month of November. Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Yeah, I left America. Way too dangerous in the month of November. Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. It's not a good choice. Ce n'est pas un bon choix. It is not a good choice. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. French people eat turkeys at Christmas. Les Français mangent de la dinde à Noël. The French eat turkey at Christmas. Les Français mangent de la dinde à Noël. Ce n'est pas vrai. It's not true. Ce n'est pas vrai. No way. Ce n'est pas vrai. Viens avec moi. Je vais en Inde. Come with me. I'm going to India. Viens avec moi. Je vais en Inde. Come with me. I'm going to India. Viens avec moi. Je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. I heard that there's a lot of vegetarians over there. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. I heard that there's a lot of vegetarians over there. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Well, I guess that American turkey is quite lucky to have met the French turkeys at the border. Imagine! They'll have a bitter trip in a pair. India is pretty far. Yeah, they're going to have to cross loads of countries which are not vegetarian, maybe. Well, the American turkey was going into France. Well, the French turkey was coming out. Yeah. So the French turkey's like, mais... Qu'est-ce que tu fais? Are you nuts? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Tu vas where? En France. Because France is a feminine country. If we want to say to France or in France, we use the word en. En France. There's a different way to say to or in a country that's masculine or plural. Today we're just going to focus on feminine countries. First, France. So we say tu vas en France. Why would you be going there? You must be nuts. But yeah. The other turkey has a reason. What is it? So it says, j'ai quitté l'Amérique. What's the verb there? Quitter. When you say quitter, you're going to follow it with where you left from. Yeah. You wouldn't just say j'ai quitté. There's something missing. Mm. So here, j'ai quitté l'Amérique. L'Amérique? Is that a feminine country? Yes, it is. So if he was going in the opposite direction, he would say je vais en Amérique. But he's doing the opposite. La dinde américaine a quitté l'Amérique. Why? Because it is trop dangereux. If you're a dinde, it's trop dangereux. When? Au mois de novembre. Yeah, if you're a dinde, le mois de novembre is not a good time. En Amérique, for sure. But he's about to get some bad news from the French dinde. Really bad news here. Ce n'est pas un bon choix. Yeah, of all the countries that you could be heading towards, la France is not un bon choix. How come? Because les Français mangent de la dinde à Noël. Au mois de décembre. Exactement. Maybe it's going to be okay for a couple of weeks, but then... Au mois de décembre, it's just as bad here, pal. Yeah. So, les Français are the people who live... En France. And they mange... What? De la dinde. You have to say the article there. You have to say la dinde. Yeah. In English, we could just say the French eat turkey. We don't have any articles or anything. No, but in French, you need to have it. So could they have said, les Français mangent la dinde without the de? They could, but... If they did, it would mean a specific dinde that we've already point, you know, the one on the table over there. If you're talking about just in general, though... It has to be de la dinde. At when? À Noël. The holiday au mois de décembre. Oh, c'est pas vrai. This cannot be possible. Catastrophe. Ce n'est pas vrai. You must be pulling my turkey leg. But it's okay, because the French dinde, he has a solution. He's leaving. Il quitte la France. We've got a nice French turkey here. It says, viens avec moi. Where's he going? En Inde. India? Yep. And it's feminine too. So that's why we say... En Inde. Okay. Three feminine countries for two international turkeys. Why are they going en Inde? The reason is, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Okay, that's a long sentence. So let's break it down. First, we have people who don't eat meat, so poultry should be safe there. Végétariens. There is a lot. Il y a beaucoup. There's a lot of... Il y a beaucoup de végétariens. Over there in that place we just talked about. Là-bas. But this is kind of a rumor that I've heard. Somebody told me this. I've heard said. J'ai entendu dire que. So it's too bad that American Turkey n'a pas entendu dire que les Français mangent de la dinde à Noël. Yeah, it's too bad. Well, let's hear that dialogue three more times now. Dialogue, première écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Dialogue, deuxième écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. Dialogue, troisième écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en France? Oui, j'ai quitté l'Amérique. Trop dangereux au mois de novembre. Ce n'est pas un bon choix. Les Français mangent de la dinde à Noël. C'est pas vrai. Viens avec moi, je vais en Inde. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de végétariens là-bas. And so it's true. Les Français, that's what they mangent à Noël. Yeah, it's one of the main dishes that we eat at Noël. Most of the people, they do eat turkey. Enough that, you know... To scare a French turkey. Make him immigrate en Inde. Definitely. We learned two words. You might have noticed a connection. There is one. India. Inde. And Turkey. Dinde. Yeah, there's a reason why. Before Christopher Columbus went en Amérique, there was no turkey in Europe. He brought turkeys from America. So he introduced turkey to Europe. So he discovered turkey. Yeah. Same time as l'Amérique. Yeah, but you know that at that time, they thought they had discovered India. So they called the animal from India, dinde. And then, with the time passing by, it just became just one word, dinde. And that's why we call it dinde. Very interesting. It is. Maybe someone can explain to us why in English we call it turkey. A different country that doesn't seem connected to that poultry. But, well, I hope these two dindes find their way to Inde and save their turkey skin. Non, mais it's true, il y a beaucoup de végétariens là-bas. Yeah, but not everybody is. That's it. I hope they go to the right place. Well, please come visit FrenchPod.com. Merci à tous. Au revoir.